Galaxy. Et puis on démarre, et avant de laisser la place à Dust qui est venu et qui a suivi mon petite invitation pour cette dernière émission Sound System, un dernier mot avec Mickaël. Ah, ça va Mickaël? On va très bien. Alors écoute, nickel ton mix. Ah merci bien. Parfait, comme d'habitude, parfait, ouais. Avec de la rétro-trance. Écoute, dans le désordre, t'as passé quoi? Donc on a terminé avec 37 heures, oui. T'avais démarré le début de l'émission avec... Avec Galté, Running Back. Ouais, après t'as enchaîné avec un petit souvenir de la bûche, là, le vocal. Le Bissadness. Bissadness. On a eu aussi le Scorpion Rising, Nagasaki. Ouais, Scorpion, ah, effectivement, ouais, effectivement. Petit clad à Yadiki. Ouais. On a eu également. Qu'est-ce que t'as passé encore? Bonne question. C'était de la rétro-tense. En tout cas, c'était que des grands classiques. Oui, oui, oui. Et puis, bon, bah écoute, au niveau de ton actu, on te retrouve du côté de Dicky, comme d'hab, oui. tous les jours, presque, les jours, sauf le lundi, sauf comme lundi. On a dit. Et bah, Dicky, ça se trouve du côté de Moucron maintenant, près du bowling Les Alliés, en périphérie de Moucron, juste à côté de la piscine de Moucron. Faut y aller faire un tour, ouais. au moins une fois, pour aller dire bonjour à toute l'équipe et puis pour se faire conseiller au niveau des disques. Et acheter quelques petits vinyles. Voilà, voilà. Et parce qu'on en a marre des DJ qui mixent avec des CD. Exactement, souvent le vinyle. Ah, allez, ça fait bien de t'entendre dire. Non, mais il faut revenir avec le grand classique. C'est vrai que les vinyles, de toute façon, il y a certains morceaux qu'on peut pas trouver en MP3. Et puis même pour le toucher, tout ça, ouais, tu sais, la technique. Même visuellement, derrière un disco bar, comme on appelle, ouais. C'est toujours plus beau d'avoir. Il paraît qu'il y a des DJ super connus qui balancent, tu sais, des CD, des MP3, mais qui font semblant, ouais, lors de concerts, ouais, de manipuler, ouais, du vinyle. C'est les grands DJ qu'on voit. TF1, etc. Ouais, les DJ de TF1, ouais, ça marche bien. Je sais pas ça. Si on peut placer encore un DJ, mais bon. Ouais, c'est clair. Bon, j'en ai même déjà vu avec des clés USB. Des clés USB, ouais, ah ouais. Ouais, c'était marrant. Ils viennent avec leur fichier, ouais, ils viennent avec leur fichier MP3. Bon, écoute, t'es pas venu les mains vides. Bon, t'es venu avec du vinyle et puis avec ton mix et tout ça, donc ça nous a fait plaisir, mais t'es venu avec des cadeaux aussi. Ouais, on est venu avec des petits cadeaux pour les auditeurs et en plus pour fêter cet événement. Enfin, bon. Fêter. Fêter, si, ouais. C'est une fête, si, ouais, si. Voilà. Et je pars, mais je serai pas très loin. Ouais, je serai là-bas à 500 km environ du côté de la Lorraine. Donc t'es venu avec quoi comme avec cadeau? Avec des petites horloges vinyle, là. Des horloges vinyle. Voilà. Bon. Avec des petits logos, il me semble qu'il y a la bûche, à De Villa. Oula, t'en as pas une pour moi? Ah, si tu passes en magasin, volontiers. Bah écoute, je t'en piquerai une. Ah ouais, une horloge vinyle, donc avec les symboles des plus grosses discothèques, ouais, de la région. Ouais. Bon, bah écoute, on va faire gagner ça. On va y aller en douceur, on va en faire gagner une là. Allez, 30e appel, maintenant 03 20 83 57 57. Tu arrives 30e. Ouais, 30e. Directement ici à la radio et tu repars avec cette horloge vinyle offerte par Dicky Records. Horloge qui pourra comme ça trôner sur ton mur à la maison, dans ta, ouais, chambre. Ça va faire plaisir. 03 20 83 57 57. On attend ton appel. Tu arrives 30e. Tu repars avec ce cadeau offert par Dicky gratos. Et un dernier mot à ajouter. Et il y aura aussi également des petits kits vinyle. Des petits kits que vinyle. On va faire gagner dans la journée. Ouais, d'ici 5 minutes. Exactement. Écoute, on se retrouve dans 5 minutes. Ça roule. On redit deux mots ensemble et puis on fera gagner le prochain kit vinyle. Mais pour l'heure, c'est l'horloge. Si tu souhaites gagner l'horloge, 03 20 83 57 57. Tu arrives 30e. Tu repars gratos avec cette horloge. Et puis tout de suite, qui s'y colle, devine qui. Eh ben c'est l'ami DJ Dust qui vient pour cette dernière émission. Il est en direct, il est chaud comme la braise, chaud comme une baraque à frites. C'est Dust tout de suite, c'est parti. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. We'll be right back. reaching out. Reaching out. Reaching out. Galaxy Sound System, 11h15, tranquillou, en direct avec une émission spéciale, la dernière de l'année, la dernière Sound System. On est ensemble jusque 16h, une 100% rétro, 100% Sound System. Et je vais vous énerver, je serai à la radio toute la journée, tout au long de l'après-midi. Et Mickaël H avec moi, devant moi, ça va, tout nickel? Ça se passe très bien, ça se passe bon. Très bien. Écoute, un petit clin d'œil à Cédric de Hénin-Beaumont qui a remporté ton premier cadeau, le cadeau de Dicky Records, une horloge. Et puis, un deuxième cadeau, tout de suite. Oui, oui. Comme tu m'as dit qu'ils étaient très fou au standard. C'était chaud. Ils sont chauds. Ils veulent du cadeau. Ils veulent des horloges certes, mais ils veulent de la musique et ils veulent du vinyle. C'est parti. Bon. Un petit kit vinyle. Un petit kit vinyle, mais alors c'est pas un kit vinyle comme les autres. C'est un kit vinyle signé Dicky. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits clins d'œil et il y a une très bonne sélection derrière, signé Mickaël H. Donc un petit kit vinyle. Il y a quoi? Deux, trois vinyles? Deux. Il me semble qu'il y en a 3-4 même. 3-4? Ouais. Attends, excuse-moi. Au lieu de baisser Dust, j'ai baissé ton micro. 3-4 vinyles, ouais. Offerts par Dicky, et merci à eux. Vous nous appelez 03 20 83 57 57. Tu remportes ce kilt vinyle 100% Dicky, à venir retirer directement au magasin. Tu arrives donc 30e, 03 20 83 57 57. On te souhaite bonne chance. Mickaël, au niveau des nouvelles, on a changé de style, hein. On a quitté la rétro trance. Non, mais c'est toujours du bon son. Voilà, on a embarqué sur la planète hardstyle avec du jumpstyle. Mmh. Et là, c'est quoi déjà ce morceau? Sex on the Phone. Sex on the Phone. Mixé par Dust pour cette émission spéciale. Ah non. Attends. Je comprends toujours les deux. Là, c'est Pullover. C'est Pullover, ouais. Speedy G, c'est ça? Exactement. Pullover. Et peut-être, attends, je vais glisser à l'oreille de Dust s'il peut mettre du Sex on the Phone, s'il l'a dans son flight case. Carlos Mendez. Carlos Mendez avec Saxophone. Peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, maintenant, c'est Speedy G, Pullover. Un des grands classiques de la rétro tech. C'est du hardstyle avec l'ami Dust pour cette émission spéciale. Et un petit clin d'œil. Oui, il me semble qu'il y a des auditeurs qui t'ont demandé Dicky Records, l'adresse. Ouais. peut-être la redire. Vas-y, refile la. Le record, c'est toujours ouvert. Ça se situe de Rêve Gustave H, numéro 4, à Moucron. Voilà, en périphérie de Moucron, pour situer, c'est très simple. Juste à côté du McDonald's de Moucron, à côté de la piscine de Moucron, juste en face du bowling des Alliés, au rond-point des Alliés, ouais, je pense qu'on appelle ça. Il n'y a pas de souci, avec un immense panneau Vinélium. Bon, allez, on continue avec Dust 100% rétro. Vous pouvez vous connecter sur le site web de l'émission, le www.soundsystem-mix.fr, nos soussailles, et également nous écouter et profiter de nos programmes sur internet 24h sur 24 à travers le monde en un clic live.galaxyfm.com. On repart avec Dust. Galaxy Blaze. Ready to prepare to flash.

Système fréquence 95-30, émission spéciale aujourd'hui, c'est la dernière de l'année, la dernière de l'émission. On est ensemble jusqu'à 16h pour une 100% Sound System, 100% rétro, avec plein de clins d'œil et plein d'invités. Tu écoutes le mix de DJ Dust, un mix 100% art style, rétro et jump style. Ça c'est pour nos amis les bourrins. Si tu es dans ta chambre, n'hésite pas, tu écartes les meubles, tu pousses le lit, l'armoire et tu jumps tout seul dans ta chambre comme un grand. Tu te filmes et tu mets ça sur internet, tu nous envoies le lien, je le mettrai en ligne directement sur le site www.soundsystem-mix.fr. On fait un petit tour d'horizon ensemble des soirées à ne pas manquer pour ce samedi 29 mars du côté de nos amis belges, avec tout d'abord le Bliss Club, la soirée résident avec le trio 6PO Flamme et en invité Curtin M en warm-up, à la bûche les Saturdays New Session avec notre ami Franck J qui accueille Laurent Top et Xtian, le Sherry Moon, réouverture du Sherry Moon depuis février avec pas mal de bons DJ. Il y aura Yuri Parker que tu connais, Al Carlito, les Soulphonic, Lulu Players, Ian Holmes. Plus d'infos sur le Sherry Moon, www.sherrymoon.com. L'Escape Concept, soirée résidence ce soir, samedi 29 mars, avec Dave, Luke, Hawkins et Miss Noah. À l'âge de zoo, le trio des résidents Chris, Johan, Simaï. Au Pulse Factory, spécial guest avec DJ Fex de Paris ce soir, aux côtés de Saint-Victor, Sipi et Michael Forza. Le Zoo Club, la Y Fiesta Zoo Club. Ça c'est quoi? Ça c'est YMCA, c'est la Winter Music Conference, c'est pas ça? À tous les coups c'est ça. Là, il y a Alex Kaya qui est à côté de moi, c'est mon grand conseil, c'est mon assistant technique aujourd'hui. Tu veux me tenir la feuille? Ça doit vouloir dire Miami Conference Winter, un truc voilà. la, ouais, c'est ça, c'est la Winter Miami Conference. Là, de mémoire, je pense que t'as Huggy Anton et Timothée qui y sont allés. Ouais. Ah, ils ont parlé avec Guillaume mardi dernier dans leur émission. Ils sont là-bas, ils se font dorer la pilule, là, les deux. Ils reviennent ce week-end, normalement. Bon, ben, ils nous raconteront tout ça mardi prochain. Je pense que leur émission, c'est 18-19 avec Guillaume, le trio. C'est 18-19 ouais, tous les mardis. 18-19 tous les mardis, Huggy Anton, Timothée et Guillaume. Bon, ben, bah, écoute, et t'as pas envie de devenir animateur, toi? Du tout. Du tout. Ah, l'enfoiré. Pourquoi? Ils sont pas bien, les animateurs. Donc, ce soir, du côté du Zoo Club, un petit clin d'œil à la Miami Conference. C'est le festival techno qui se trouve, qui se déroule aux États-Unis actuellement pendant 15 jours, où tous les grands DJ y sont, tous les labels et tous les producteurs de musique techno. Et ce soir, du côté du Zoo Club, petit clin d'œil avec Serum, Romanes, Arnaud et Ludo. Tu retrouves toutes ces informations en un clic. Ça va, ça vous dérange pas d'ailleurs si je parle? En un clic, www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. Kimbo, tu voulais dire un petit truc? Qu'est-ce que tu voulais dire? Bonjour à tout le monde. Ouais, et un petit tout à fait. Un petit tout à fait qui fait plaisir à toi. Bon, en tout cas, moi je voulais passer un petit clin d'œil à 2T1 qui nous écoute sur internet, sur le live.galaxyfm.com. 2T1 qui était avec nous, qui était bien classé sur le contest Sound System. Deuxième, je pense. Deuxième ou troisième? Ah, deuxième, de souvenir. Je pense qu'il était deuxième dans la catégorie vinyle. Et Mickaël H, on se retrouve dans 5 minutes. Tu vas partir? Ouais, dans 5 minutes. Oh, dans 5 minutes, parce qu'il y a encore un dernier cadeau à vous faire gagner. Un petit kit vinyle. Mais c'est, n'appelez pas tout de suite. Hein. C'est le cadeau, c'est tout à l'heure. D'ici 5 minutes avec Mickaël H. On est avec Dost encore, ami bourrin, ami technoman, fan de Jump Style. Restez calé, fréquence 95-30. Restez agrippé, scotché, collé à votre radio Galaxy pour le meilleur de la musique électronique. C'est Dost encore pendant quelques minutes. Tout à l'heure, ce sera Alex Keia, toujours pour du Jump Style. Non, non, un peu plus calme. Avec du style plutôt électro et rétro. T'as ramené des trucs rétro? Bon, il y aura pas mal de rétro. Allez, encore avec Dust pour du Hard Style. On pousse les meubles, comme j'ai dit tout à l'heure, et on jump dans sa chambre. Galaxy, place all the hits. Wait. Galaxy Sound System, merci à Dust avec son set spécial Jump Style. Energy, fun, Skyrock, no. Galaxy, the one and only for you. Yeah. Et avant qu'il nous quitte, merci Dust. Hein. Dust, il est à côté de moi, ça va? Ça va et toi? Écoute, merci pour ton set. Hey, t'as réveillé les mamies de la région là. Je crois bien. Ouais. il a démarré en douceur. Il est venu, tu sais, un petit peu à la filousse. Il me dit au départ, je ramène de la rétro. Oh là, Galaxy Weekend, vas-y, hop là. Il me dit au départ, je ramène de la rétro. Et après, il a glissé 2-3 trucs hardstyle. Et après, il me claque du jump. Je tiens quand même à dire que c'est toi qui m'as dit que je pouvais ramener du jump. Ah bah ouais, tu m'as proposé. Donc c'est clair, tu viens pour te faire plaisir et l'essentiel c'est qu'il y ait plusieurs styles. On avait démarré avec du rétro trance avec Mr. Michael. Tranquillou. Bon, écoute Mickaël, tu vas nous quitter? Oui, on va aller travailler. Hein. Bah ouais, faut aller bosser, faut aller gagner son pain. Exactement. Du côté de Dicky en plus, à Moucron. Voilà. Bon, mais avant de partir, tu pars pas comme ça, les mains vides. Tu nous laisses quand même un dernier petit cadeau. Oui, un petit kit vinyle. Encore un, allez, encore. Allons-y, un petit, soyons encore, fous. Encore un petit kit vinyle pour tous ceux qui nous écoutent pour cette dernière émission. Vous nous appelez au 03 20 83 57 57. Je répète, 03 20 83 double 57 pour remporter ce kit vinyle offert par Dicky Records et à retirer directement là-bas au magasin. Mickaël, tu te feras un plaisir d'accueillir les. Ah oui, comme d'habitude. Bon, je vais essayer de choper Pécho, une auditrice là. Hein. Ah, bon. Ça te fait plaisir. Bah non, hey. On va essayer de faire gagner un cadeau 100% fil. Si les filles nous écoutent, vous pouvez nous appeler au numéro que j'ai indiqué. Et puis, allez, c'est pour vous. La première fille qui nous appelle, je lui fais remporter le cadeau. Allez, voilà, comme ça, c'est. Allez, c'est pas okay. Comme tu veux. Voilà, une 100% fille. Le cadeau est réservé. Il y en aura un second dans l'après-midi, à toi de voir. Ok, d'accord. Enfin, un troisième plutôt. En troisième encore? Voilà. Tu pourras en faire gagner deux encore. Voilà, exactement. Bon, bah ça marche. Mickaël, merci, super. C'est moi. Bon, on te retrouve le dimanche. Oui, demain, 14h, 16h. Ouais, 14h, 16h, nickel, pour de la trance progressive. Progressive, exactement. Ouais, un peu de house de temps en temps. Je me souviens d'un morceau, tu te souviens Powder, le label Powder? Powder, peut-être. Ah, t'avais passé ça début décembre. Ah, je me souviens plus du nom. Tu sais, c'est un vinyle avec un label. Le rond label blanc et écrit en gros Powder. Ah, exact. Ah, c'est une merveille. Ah, celui-là, il était pas mal. Une merveille. En plus, il est dans ta vidéo, là. Tu sais, la vidéo que j'ai sur Internet. Bon, écoute, merci. C'est la dernière, désolé. On pourra pas se faire d'autres. Un grand merci des mix que tu m'as proposé dans ton émission. On s'est bien marré ensemble. Et on s'est bien marré ensemble. C'était vraiment très, très bien. Ouais. Bon, écoute, je donne rendez-vous à tous les fans de l'émission et à tous les fans de ton émission demain, dimanche, 14h, 16h. Et puis aussi du côté de Dicky pour aller te voir de visu en direct et en physique. Voilà, du côté de Dicky, périphérie de Moucron, à côté de la piscine de Moucron, rond-point des Alliés, la chaussée c'est Drève Gustave Fache. Voilà, et puis et toutes les infos sont sur dickyrecords.com, le plan, exactement. Et les infos, on peut vous envoyer des mails, vous répondez aux mails. Voilà, pas de soucis. Sans aucun problème. Merci Mickaël, merci Dicky. C'est moi. Merci Dust, mais Dust, toi je te garde. Hein. Ouais, toi, tu restes dans la radio parce que t'as encore 2-3 mix à faire pour moi d'ici 16h. En plus, je te pique ton créneau, donc. Avec plaisir. Bon, avec plaisir. En plus, on a ramené de quoi manger, t'inquiète pas, Dust, il y a à manger ici. Je te garde jusque 16h. Aucun problème. Bon, on continue avec un autre DJ. Vous connaissez bien, c'est Alex Keya. Je vous avais annoncé la semaine dernière en plus qu'il serait pas là. Lui, il fait des coups de. Ça y est, il fait des poissons avril. La semaine dernière, il dit qu'il mixe pas. Il vient, il me pique 2 heures d'émission. Et là, et il revient cette semaine, il me repique encore une demi-heure pour son set. Bon, Alex Keya, tout de suite, c'est de la rétro et de la house. Ça me fait plaisir. Qui mixe ici? Il est midi moins 10. Alex Keya, tout de suite au platine de Galaxy. On garde Dust. Mickaël, merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, salut. Et puis sur internet, www.dickyrecords.com. C'est parti.